Tout de suite, Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Les soldats d'Algérie vous parlent. Je suis parti me battre pour la France et puis, qu'est-ce qu'on a fait de moi ? Cette semaine, la torture en Algérie. On était des jeunes athlètes, on disait l'Algérie, la France, tout, on ne savait plus bien où on en était. Hein. De la revendication d'indépendance à une pacification sanglante. Qu'est-ce qu'il y a tiré là ? Qu'est-ce qu'il y a tiré ? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose ? Ces massacres d'un côté ont provoqué plusieurs milliers de morts, on parle de 8000. Bonjour, pour cette cinquième journée consacrée à l'Algérie, après l'évocation des deux premières années de la guerre, de 1954 à 1956, nous faisons un bond dans le temps. C'est en effet tout dernièrement que des acteurs de l'époque ont témoigné. Ils ont témoigné devant la caméra de Jean-Charles Deniau, auteur d'un film « Algérie, parole de tortionnaire », film que nous avons déjà mentionné au cours de la semaine. Nous avons interviewé Jean-Charles Deniau il y a quelques jours. Pour commencer, je lui ai demandé ce qui l'avait amené à s'intéresser à ce sujet. Jean-Charles Deniau. Écoutez, moi je suis d'une génération qui a presque connu la guerre d'Algérie. À quelques années près, j'aurais été appelé. Et j'ai donc des amis dont les frères aînés ont été appelés en Algérie, ont même été rappelés en Algérie. Et donc je voyais à leur retour que ça n'allait pas très bien, quoi. Ils avaient des problèmes. Et puis le temps passant, je me suis toujours intéressé à l'Algérie, bien sûr. Et fin des années 80, début des années 90, j'ai eu l'idée de faire ce film, Parole de tortionnaire. J'ai contacté, par des associations ou par des relations personnelles, une dizaine de personnes qui étaient susceptibles de me parler de ce sujet. Et personne ne voulait en parler. Ouais. Ah oui, c'était tabou. C'était tabou. Et donc, il a fallu qu'il y ait le témoignage de Louisette Guillariz, les papiers dans le Monde, le témoignage de Massu qui reconnaissait la torture, toutes les histoires autour de Sarès, pour que les langues se délient. Et les mêmes personnages que j'avais contactés, pas tous, mais une grande partie des personnages que j'avais contactés à la fin des années 80, au début des années 90, ont accepté cette fois de parler. Donc tout ça, tout dernièrement, vous avez tourné quand ? On a tourné au mois de mai l'année dernière. En fait, je crois qu'on a bénéficié d'une fenêtre, là, d'une ouverture très courte entre l'afflux des témoignages là l'année dernière et le procès au Sarès. Parce que les mêmes personnages, maintenant, ne voudraient plus parler. Parce qu'ils se disent, si on continue, si on parle, on va avoir un procès. Maintenant, ça s'est refermé, quoi. C'est très difficile. J'ai recontacté des gens parce que j'avais un éventuel projet de livre et je me suis aperçu que c'était plus possible. Les gens ne veulent plus, à nouveau, ne veulent plus parler. Extrait de Parole de tortionnaire, Marc Petit. Dans les grottes qui étaient au bord de la mer, vers Saint-Eugène, près d'Alger, je me souviens particulièrement d'un certain D, Monsieur D, et Monsieur S. Pour ne pas les nommer. C'était des officiers ? Non, il y avait un sous-officier et un caporal. Je les ai vus faire absorber de l'eau avec une serviette éponge dans la bouche à un type attaché et lui mettait de l'eau avec de l'homo, avec de la lessive et également par l'orifice anal. Et il avait pendant ce temps-là les électrodes de la Gégène que tournait un troisième dont je ne me souviens pas du visage et il lui a envoyé l'électricité en même temps, quoi. Il était vraiment gâté, le type. Et je dois dire que ceux qui ne parlaient pas, j'avais un certain respect pour eux. Alors, ils sont 7 témoins, si j'ai bien compté, au travers de votre film. On peut les citer: André Charlier, Gilbert Argelès, Michel Louviano, Marc Petit, Henri Pouillot, Bernard Sieg et Paul Osarès, qui apparaît également à la fin de votre film. 7 témoins qui, chacun à leur manière, présentent des caractères différents, et on va certainement en reparler. Quels sont ceux, de mémoire, qui vous ont le plus marqué? Eh bien, écoutez-moi, c'est André Charrier. Parce qu'André Charrier, je l'ai rencontré plusieurs fois, et cet homme est un vrai militant communiste pacifiste. Quoi. Moi, je ne me repentirai jamais. Vous n'avez rien à vous reprocher? Je n'ai rien à me reprocher. Ceux qui ont à se repentir, et à rendre des comptes, c'était les responsables du gouvernement qui ont dit « on veut des résultats par n'importe quel moyen ». Ils ne nous ont pas dit de torturer, mais ils nous ont dit ça. C'est un homme qui, à 20 ans, était déjà très militant, très engagé, ne voulait pas de cette guerre, avait milité contre cette guerre. Il est d'une famille de résistants. Son père était résistant. Son oncle a été tué au maquis, dans le Vercors. C'est un type qui était très engagé politiquement quand il est parti à la guerre d'Algérie. Quoi. Et c'est ce basculement. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment un homme ordinaire, un soldat ordinaire, pouvait basculer. Ça veut dire que nul n'est à l'abri de ce phénomène. Et ça, je le pense vraiment. J'ai assisté à une petite école à côté de Soukaras. C'était dans la région d'Aïn Sénour, je crois. Et un matin, on a été appelé et on a trouvé l'institutrice qui avait été clouée sur la porte, qui était nue d'ailleurs. La pauvre, elle a dû voir des choses. On lui avait coupé les seins. Hein, et puis, on est rentré dans l'école. Il y a un groupe qui s'occupait de l'institutrice, qui était encore vivante. Elle est morte le lendemain. Hein, et on est rentré dans l'école. Alors là, l'école, c'était l'horreur. Là. Il y avait les 57 petits garçons et petites filles qui avaient été égorgés. On a tous basculé sans exception. Après plusieurs accrochages, après plusieurs visions de cauchemar, comme on peut dire, je ne me suis plus posé de questions. Moi, c'était terminé. En face, j'avais un ennemi qui était un adversaire qui était inhumain. Donc vous êtes devenu inhumain? Ah, ben je suis devenu inhumain comme eux, voilà. Oui, ce sont... En plus, il avait l'habitude de ravitailler ce village, l'institutrice il la connaissait, les élèves qui étaient et des métropolitains et des musulmans, donc c'était très mélangé, les gens ont tous été massacrés. Et là, comme il dit, on a pété les plombs. Quoi. Gilbert Argelès lui représente un tout autre... Aspect, c'est un militant communiste, lui aussi. Il dit que il était déjà marié, il est un instituteur, si je me rappelle bien, et père d'un enfant. Et le fait d'être père d'un enfant et communiste l'a mis dans une position relativement silencieuse quand il est arrivé sur place. Il craignait apparemment un accueil plutôt difficile à l'intérieur de. Oui, de plus, il avait été question au départ à Grenoble de déserter. Il était question de déserter. Et le Parti communiste, dans la vieille technique léniniste de l'entrisme, le Parti communiste lui a enjoint de partir. Et lui a même demandé de faire les EER pour être officier de réserve. Donc il était quasiment en mission et il s'est aperçu tout de suite que d'abord il était fiché, bien sûr, mais qu'il ne pourrait rien faire. Et comme il dit, moi, j'ai eu la trouille. J'étais isolé, j'ai eu la trouille. Alors il évoque, lui, la notion de la question, puisqu'il faut resituer le contexte de la torture à l'intérieur de sa raison officielle qui est la quête du renseignement, ce qui est vrai pour partie, mais de toute façon pose problème par ailleurs, puisque lui dit, à certains moments, on sentait quand même que les questions étaient moins posées pour le renseignement à proprement parler que pour assouvir probablement d'autres instincts. Il y avait un sergent, c'était un violent, mais c'était dans sa nature d'être violent, et donc c'est l'armée exploitait cette violence et lui permettait d'organiser lui-même la séance de torture. Vous avez vu? J'ai vu, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben c'est la GIGN avec les pinces à différents endroits du corps. C'est-à-dire la langue, le sexe, les doigts, le corps déshabillé, bien sûr, arrosé d'eau éventuellement, et des questions, parce qu'on avait avec nous un harki, donc qui parlait l'arabe ou le kabyle, hein, qui traduisait. Les questions m'apparaissaient un petit peu hors sujet. Je ne sais pas si la torture visait réellement à obtenir des renseignements, peut-être bien pour une part, Mais je pense qu'il y a toujours eu une part pour assouvir les bas instincts des gens qui pratiquaient. Ça, je pense que c'est la grande question sous-jacente à toutes ces interviews. C'est la fascination pour la torture et la fascination pour le mal. Je crois que c'est la part d'ombre de chacun. Et ça, c'est inavouable. Je pense que chez certains, il y a un plaisir à torturer. Et même avec Bernard Sy, qui est médecin, psychanalyste, psychiatre, j'en ai beaucoup parlé, il y a même une certaine jouissance à torturer. Mais ça, c'est indicible. C'est un peu sous-jacent derrière tous ces personnages, surtout avec Argelès. D'ailleurs, il le dit un moment, c'est toujours en demi-teinte. C'est le « je », et puis parfois, c'est le « on ». Oui. Le « on », c'est le « je », quoi. Très souvent, c'est comme ça. Et c'est vrai que sur la fin de l'interview, vous revenez sur la question de la culpabilité, lui indiquant qu'il est un homme fragile aujourd'hui, mais on sent qu'on tourne autour du sujet d'une certaine manière, et on envisage l'ombre sans jamais véritablement la... Non, parce que c'est indicible. C'est indicible. Charrier aussi. Charrier est un homme plus carré, peut-être moins intellectuel, mais c'est sous-jacent en permanence. Ahmed Wahbi, Oranais, né à Marseille, l'une des plus belles voix du monde arabe. Il émigre à Paris dans les années 50. Initié au chant par son père, il allie le style arabo-andalou au langage et au rythme oranais. Lorsque, en 1985, Cheb Khaled et Cheb Mami se produisirent au premier festival autorisé de musique raï, Ahmed Wahbi eut ce commentaire. Je sais que je viens d'être d'un coup relégué dans l'histoire par cette jeunesse foisonnante. Il chante « Ya Jazayer » ou « Algérie ». قدرك عالي حسنك غالي قدرك عالي حسنك غالي يا مدين سيدي عبد الرحمن خليك فنجا يا البيضة العلجة ناسك سجعان يا الغالية البهجة خليك فنجا يا البيضة العلجة ناسك سجعان قربك فيه نرجع أفكاري هيجة وبغيت فيك فرجة بين الأخوان يا تزايد زينك خطف عقلي وسكانك زادوا لبهاك أحسان يا دزاير زينك خطف عقلي وسكانك زادوا لبهاك أحسان قدرك عالي حسنك غالي قدرك عالي حسنك غالي يا مدير سيدي عبد الرحمن يصبر على مدينة الجزائر اللي قصورها تحير حبة وجنان محال القلب يصبر على مدينة الجزائر اللي قصورها تحير حبة وجنان غير Nous retrouvons Jean-Charles Degnaud, réalisateur d'Algérie Paroles de tortionnaire. Un film qu'il aurait voulu mettre en chantier une dizaine d'années auparavant, mais à l'époque, un silence tombal plombait la question de la torture en Algérie. Bertrand Tavernier et Patrick Rothman ont été de ceux qui ont percé ce silence en tournant leur documentaire « La guerre sans nom ». Moi j'ai trouvé que le film de Tavernier était vraiment très très bien fait, c'était un vrai bon documentaire, c'était le premier documentaire qui allait aussi loin autour des appelés d'Algérie, des appelés soldats ou officiers. Moi j'ai trouvé ça très très bien, c'était une porte qui s'entrouvrait quoi. Et il s'est justement interrogé dans le, je crois qu'il en témoigne dans son commentaire off du documentaire, en disant les Algériens, tout au moins à son époque, n'avaient pas fait encore de travail équivalent. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, quelle est votre connaissance sur ce sujet et quel est votre avis? Bah écoutez, je pense que les Algériens n'ont pas du tout fait un travail dans ce sens, et à mon avis, je pense que c'est pas demain, parce que le pouvoir algérien, d'ailleurs après toute cette campagne autour de la torture, le pouvoir algérien n'a absolument pas réagi. Dans les journaux algériens, il n'y a presque rien eu sur la torture. Moi, ce que je pense, là, je reviens de Belgrade, là, et j'étais pendant 15 jours à Belgrade, et j'ai rencontré des Serbes, des Bosniaques, et je pense que ces gens sont exactement dans le même processus. Nous, on a torturé, on a fait ça. Mais les autres nous l'ont fait aussi. Et c'est le déni complet, en permanence. Et donc, moi, je pense que, bon, d'abord, les horreurs des uns ne justifient pas les horreurs des autres, et que si les Algériens ne traitent pas ce sujet, ben, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ça ne justifie pas que l'armée française ait procédé à ces tortures pendant la guerre d'Algérie, quoi. Les horreurs des uns ne justifient pas les horreurs des autres, quoi. Extrait de Paroles de tortionnaire. Michel Lubrano. Max Lejeune, ministre de la Défense nationale, est passé dans tous les états-majors et il avait réuni tous les officiers et il a dit « Vous devez détruire les rebelles, les mettre hors d'état de nuire par tous les moyens. » Vous étiez là ? J'étais là. Et tout le monde... Je n'étais pas seul et tout le monde était là. Et tout le monde a compris de quoi il s'agissait ? Tout le monde a compris de quoi il s'agissait. D'ailleurs, dans les BRQ, les bulletins de renseignement quotidiens, quand on avait liquidé une opération de cash, etc., où on avait tué, je ne sais pas, 5 ou 6 rebelles, 6 rebelles, H-E-N, 6 rebelles hors d'état de nuire. C'était le terme, c'est tout. Oui, eh bien, écoutez, c'est la grande question de l'armée française. La responsabilité, c'est pour moi une responsabilité politique. Et donc, il dit, le pouvoir politique, à l'époque, nous a donné l'ordre de torturer. Mais pas l'ordre direct comme ça, l'ordre indirect. Faites parler les gens par tous les moyens. Donc, le devoir d'un soldat, c'est d'obtenir du renseignement, comme dit Lubrano, de protéger les populations. Et pour protéger les populations, eh bien, il faut agir par tous les moyens, y compris la torture. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que Lubrano dit « Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait mon devoir. » Parce que c'était pas une guerre pour eux, c'était de la pacification. Ce n'était pas une guerre, ce n'était pas des combattants, c'était des terroristes. Et donc, avec les terroristes, tous les moyens sont utilisables. On n'a pas leur explication, en revanche, sur... On a, par exemple, eu l'occasion d'entendre cette semaine une archive qui est diffusée dans la série d'émissions, celle de Guy Mollet, qui affirme et prétend que la torture n'existe pas en Algérie. Eux, confrontés sur le terrain, savaient bien qu'il en était tout autre. On n'a pas leur réaction là-dessus. Est-ce que Mais vous Guy avez Mollet pu... Savait, tout le monde savait. Tout le monde savait. Guy Mollet mentait, bien sûr. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, dans les 2 jours, 3 jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable, il soit torturé, ce serait intolérable. Alors il mentait à qui ? Bien sûr, il mentait, Guy Mollet. Il mentait à qui ? Il mentait aux Français. Il savait, bien sûr, puisqu'ils avaient des rapports, puisque Max Lejeune, qui visite les popotes en 1957, va à Oran, et il y a Lubrano, il y a tout l'état-major, et il leur dit, il faut obtenir du renseignement par tous les moyens, et tout le monde comprenait, et tout le monde savait de quoi il s'agissait. Et Max Lejeune était ministre de la Défense. Il n'est pas question que Max Lejeune n'ait pas fait de rapport à Guy Mollet. Tout le monde savait, quoi. Tout le monde savait. Et c'est un mensonge éhonté. Est-ce qu'il vous étonne, en même temps, ce mensonge ? Non, ça ne m'étonne pas trop. Non, ça ne m'étonne pas trop, parce que la France était dans une spirale infernale. D'abord, on avait voulu gagner cette bataille d'Alger qui, effectivement, sur le terrain, était quasiment gagnée. Mais en torturant, en agissant ainsi, la plupart des Algériens qui étaient plutôt francophiles et qui n'étaient pas trop pour le FLN ont basculé de l'autre côté. Donc c'était une spirale infernale. En torturant, on fabriquait des militants FLN. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on veuille cacher cette part de notre histoire. Warda El Jazaira, militante de la cause algérienne, née en France de mère libanaise, elle débute à 14 ans, en pleine guerre d'Algérie, dans le cabaret de son père à Paris. En 1958, alors que la guerre atteint son paroxysme, elle fuit la France pour le Liban et continue sa carrière de chanteuse militante. À la fin du conflit, elle rentre en Algérie, abandonne sa carrière pendant 10 ans et revient à la scène à la demande de Boumediene. Mais le sommet de sa carrière débute quelques mois plus tard à son installation, pour cause de mariage, en Égypte où elle est une star. Elle chante « Wahashtouni, tu nous as manqué ». Wahashtouni. Wahashtouni. وحشتوني وحشتوني وحشتوني اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بعز الحبايب اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالقمر اللي غايب اهلا القمر وحشتينا نورت لالينا وتلموا الحبايب وتلموا الحبايب وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني الأيام زمان أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب أهلا Nous retrouvons Jean-Charles Degnaud, réalisateur d'Algérie, Parole de tortionnaire. Une question, est-ce que la relative proximité de la guerre d'Algérie avec la Seconde Guerre mondiale et le fait que le spectre du monstre doivent être endossé pour longtemps par l'Allemagne nazie a fait qu'on a cherché aussi à cacher cette part sombre de la France? C'est le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on veut à la fois gagner une guerre et en même temps on veut essayer de tirer tous les honneurs vers soi. Bien sûr, mais vous savez, en plus, ce qui est grave, c'est que beaucoup des officiers et beaucoup des cadres de l'armée française qui ont fait torturer en Algérie, beaucoup étaient d'anciens résistants. Certains avaient même été arrêtés et torturés par la Gestapo. Donc Massu est un grand résistant, Bijard est un résistant. Ces gens qui avaient dénoncé, qui avaient à juste titre, qui étaient des héros de la Deuxième Guerre mondiale, étaient de l'autre côté de la barrière 15 ans plus tard. Donc c'est pour ça que ce sujet est très très délicat encore aujourd'hui. Non, je m'en suis jamais complètement remis. Je sais que j'ai une personnalité, disons, fragile, et que j'ai besoin d'aide. Bon, je le sais, mais ça m'a pas empêché de vivre quand même. Hein. Vous dites besoin d'aide, c'est-à-dire? D'aide psychologique, oui. Dès que je lis un article concernant l'Algérie, dès que je lis le numéro spécial de l'Humanité sur les tortures en Algérie, c'est vrai que tout ça, à chaque instant, ça fait ressurgir des choses qui montrent que la paix, la paix avec soi-même, on ne la retrouvera jamais. Je crois que la culpabilité... Ils ont la culpabilité, ils ont la frustration, ils ont le traumatisme. Tous ces gens ont mal vécu depuis la fin de la guerre d'Algérie. Ils ont tous mal vécu, ils sont tous traumatisés. Moi, c'est aussi un des sujets qui me passionnait en abordant ces tortionnaires, c'était comment ils avaient vécu après. Ils ont tous très mal vécu après. Même Lubrano, quoi qu'il dise. Je n'ai jamais fait de cauchemar. Jamais. Et je peux vous assurer, chaque fois que j'ai eu des interrogatoires, il n'y a eu ni des femmes, ni des vieillards, ni des enfants. Cette justification, cette auto-justification permanente cache une souffrance, une douleur permanente également. Je pense que une reconnaissance de l'état de la torture et de sa condamnation, c'est un minimum qui peut en partie un peu atténué, mais qui ne retirera pas le traumatisme. Alors c'est vrai qu'elle est immédiatement perceptible chez Henri Pouillot, dans son articulation même des mots, on sent une souffrance indicible qui l'accompagne à tous les instants. Oui, oui, mais lui il a trouvé une sorte de dérivatif qui psychanalytiquement se comprend, c'est-à-dire que maintenant c'est une logorée, il en parle, il va partout pour parler de ce qu'il a vécu. De ce qu'il a fait, quoi. Et il reste toujours, moi, plusieurs fois, je suis allé à des présentations du film, à des débats avec lui. Il reste en permanente à la limite de dire, voilà, j'ai torturé, mais pas assez, je suis pas allé. Il ne se présente pas comme quelqu'un de vraiment mauvais, quoi. Il est à la limite. Et il pense que, en allant partout, en en parlant, il va se guérir. D'autres se sont renfermés dans leur coquille. Lui, il a fait le contraire. Il a écrit un livre. Il se présente partout. Il est quasiment une sorte de vedette de son histoire. Jean-Charles Deniau, merci beaucoup de ce moment passé en votre compagnie. Algérie, parole de tortionnaire, un film de Jean-Charles Deniau. Merci encore et à bientôt.